On s'imagine tous brasser des sous. Si on ne fait compter sur le rap, on arrêterait tout. Il faut que je m'évade car la terre m'étouffe. On connaît le schéma, la guerre est longue et la trêve est courte. Ouais, on en a fait des détours. J'en ai croisé des mecs louches qui en soirée servaient tout. Mais jamais je toucherai à ça. Moi je suis shooté par le rap. Regarde la vérité en face, tu vas louper ma carte. Que tu roules à droite, que tu roules à gauche, c'est le profit qui domine, qui nous pousse à l'eau. Ils parlent de courage sous un brin de lâcheté. Si tu parles de tes victoires, c'est que t'as rien gagné. Je voudrais être entouré de verdure, quitter le béton, vivre les saisons et pouvoir en goûter l'air pur. On ne rappe pas pour toucher les enfants, y'a déjà assez de politiciens pour ça. Nous c'est le vrai changement, LSL 4-Tiller. On fait les choses avec le fond, la forme. On n'a pas disque d'or mais juste des tonnes de rimes au fond de la gorge. Putain tu sais qu'on s'en balance vraiment de péter le score. Pour ceux qui disent qu'on dort, ça sera la même hystérique à la prod. C'est hard car on n'a pas trois vies comme dans un jeu d'arcade. Fais ce qu'il a calme pour ne pas finir à l'asile d'Arkham. Yo, ils voudraient tous le flow qui martyrise les sons. Le rap c'est pas mon truc, 15 ans je me pute à Marilyn Manson. Je vois tenace, je vois que la poisse peut durer toute la vie. Je vois tous ces mecs qui craquent, la chance n'a pas encore fait le tour de la ville. Nos rêves sont comme de l'argent sale qu'on balance par les fenêtres. Je sais que l'espoir fait vivre mais l'île de France c'est toujours pas l'estate. Je perds du temps à gratter des rings que personne calculera. Je n'écoute plus de rap depuis que j'ai l'impression que Paris c'est Calcutta. Des mecs qui font comme moi, je crois qu'il y en a plus de 100 000 en France depuis qu'on a su faire des francs, je crois qu'on a plus senti l'enfance. J'ai jamais vu les bancs de la fac, mais plus les bancs d'espoir. Faut arrêter de leur faire croire que notre ambition dépend de l'espoir. J'ai mal au crâne quand je repense à tous les sous que je perds. Quand je vois ma fiche de paye, je pense à Bill Gates et à Mark Zuckerberg. Ici le succès se tire, on rêve de sauter le prince. Y'a les faux types, c'est de son vivant qu'il fallait sucer prince. Prédateur sur instru grâce au rime, on carotte nos proies. Vu que je dors pas la nuit, je ferai passer mes rêves en 49 fois. Yo, on fait les choses avec le fond, la forme. On n'a pas disque d'or, mais juste des tonnes de rimes au fond de la gorge. Putain, tu sais qu'on s'en bat. On balance vraiment de péter le score. Pour ceux qui disent qu'on dort, ça sera la même hystérique à la prod. C'est hard car on n'a pas trois vies comme dans un jeu d'arcade. Fais ce qu'il a calme pour ne pas finir à l'asile d'Arkham. Yo, ils voudraient tous le flow qui martyrise les sons. Le rap c'est pas mon truc, 15 ans que je me pute à Marilyn Manson. Yo, on fait les choses avec le fond, la forme. On n'a pas disque d'or mais juste des tonnes de rimes au fond de la gorge. Putain tu sais qu'on s'en balance vraiment de péter le score. Pour ceux qui disent qu'on dort, ça sera la même hystérique à la prod. C'est hard car on n'a pas trois vies comme dans un jeu d'arcade. Fais ce qu'il a calme pour ne pas finir à l'asile d'Arkham. Yo, ils voudraient tous le flow qui martyrise les sons. Le rap c'est pas mon truc, 15 ans que je me pute à Marilyn Manson.